dit je suis désolé. Non, c'est pas vrai, c'est un mauvais rêve. En fait, pas quoi, ou qu'à partir. En pas, j'en osé croire qu'à faire tout ça la peine. J'en dis rien pour moi ou t'es content. En nous effacer, ça qui passait. Nous n'y rendez-vous. Et puis demain. Et quoi, elle? Sweetie, nous allons pour nous faire.